Bonjour, bienvenue sur Radio Gamozo, ravi de vous retrouver dans l'émission Drôle d'expression et questions délirantes. Je continue de décrypter les expressions qu'on utilise et les questions qu'on se pose dans nos têtes et toujours dans la bonne humeur, bien sûr. Drôle d'expression et questions délirantes, épisode 20, c'est maintenant. Tout de suite, une expression. Faire fonctionner ses petites cellules grises. Réfléchir. Les cellules grises sont les neurones qui constituent les cellules actives du cerveau. Elles ont été individualisées à la fin du XXe siècle par Santiago Ramón y Cajal, qui a reçu le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1906. Le cerveau était alors considéré comme un organe ne comportant pas de cellules isolées car les méthodes d'observation de l'époque ne permettaient pas de les discerner. La découverte des neurones changea complètement la vision qu'on en avait du cerveau et du système nerveux dans son ensemble. Faire fonctionner ces petites cellules grises consiste donc à faire fonctionner son intelligence. La couleur grise des neurones permet aussi de comprendre l'expression matière grise qui désigne la partie vraiment active du cerveau. Au début du XXe siècle, l'expression devint très populaire. C'est à ce moment-là, en 1929, qu'Agatha Christie publia son premier roman intitulé La mystérieuse affaire de Styles, avec comme pour personnage principal Hercule Poirot. Le secret de ce détective hors pair réside dans sa façon de faire fonctionner ses petites cellules grises. Agatha Christie développe dans son polar l'idée d'une intelligence vive, subtile et créative, des résultats où la lourdeur routinière et procédure des policiers de Scotland Yard est maintenue en échec. Cette expression devient un leitmotiv qu'on le retrouve dans les 32 romans où apparaît le fameux détective, avec Hercule Poirot pas moyen de faire grise mine. Je cite, « Une fois la vérité trouvée, le travail du détective n'est pas achevé pour autant, et pour cela il met en œuvre la seconde étape de la méthode avant la recours de ce fameux « petite cellule grise » de André François Ruot et Xavier Maugeant, tiré du livre « Hercule Poirot, une vie ». C'est le moment de la question délirante. Pourquoi les militaires ont-ils les cheveux courts? Nombreux d'entre vous, messieurs, ont sans doute échappé au service militaire, donc au rasage du crâne obligatoire. Mais aujourd'hui encore, dans l'armée, on doit avoir les cheveux courts. Aux États-Unis, ils exigent carrément la boule à zéro. On n'est pas moins bien lotis. La France impose néanmoins les cheveux courts pour plusieurs raisons. D'abord, l'hygiène. Il s'agit d'éviter une prolifération de parasites tels que les poux. Avoir le typhus, une maladie qui en avait beaucoup à l'époque, accompagnait souvent les hommes en guerre, se transmettait par poux infectés, qui donnait une fièvre de cheval qui pouvait être mortelle, se transmettait beaucoup par ces parasites. La contamination d'un soldat était donc une menace pour le régiment entier. Autre raison, se couper les cheveux. La sécurité, ce serait bête de se bloquer les cheveux dans une machine ou dans une arme, au cas où le soldat devait porter un casque ou enfiler un masque à gaz. Une grosse touffe de cheveux peut s'avérer gênante. Enfin, en cas de blessure, il est beaucoup plus facile de se soigner une plaie sur une zone rasée. De quoi on vient nos copains chauves? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur les expressions et les questions délirantes sur Radio Gamozo. Passez une très belle journée. Salut!